Et puis, il y avait la retraite à 50 ans. Il avait le temps d'y penser, mais tout de même, 50 ans. Il était maintenant à son point d'orgue, à son dernier jour de travail. Déjà. Eh oui, le grand saut vers la retraite, demandé souvent à cors et à cris, était là, au bout du chemin, à 5 petites heures de route, les bras grands ouverts vers l'inconnu. Vers le doute, une cassure se dessinait avec le monde du travail, un statut étrange, une mise sur la touche insoupçonnable, un étrange parfum de devenir inutile soudainement. Des images du passé, qu'il se refusait de chasser, venaient hanter son esprit, et, devant ses yeux mi-clos, défilaient encore des visages autrefois bien connus, mais qui maintenant s'estompaient. Les visages de ceux qui, comme lui, avaient fait ce fabuleux métier. Les seigneurs du rail, disait-on, les pieds fins, les sénateurs, les grands de roue, ceux qui gagnaient beaucoup d'argent, les patrons de la mythique voie royale, Paris-Marseille, où fonçaient, dans la nuit noire, des trains fabuleux qui cachaient leur luxe, leurs drames étouffés, et bien des secrets inavouables, abrités derrière d'épais rideaux plissés. On les appelait le Vintimille-Londres, le Phocéen, le Genève-Portbou, le Train Bleu, le 15. Et là, tout en souriant, il réalisait surtout que ces noms ronflants venaient d'une époque révolue où le panache et la fierté des hommes du rail pouvaient faire illusion. Aujourd'hui, même mieux formés aux techniques nouvelles, rompus aux grandes vitesses et plus confortablement installés dans de hauts sièges réglables avec la radio seul train et les téléphones à portée de main dans des cabines propres et climatisées, les hommes n'ont plus cette candeur arrogante au vu de ce qu'est devenu leur métier. Finalement, on s'habitue inconsciemment à l'absence des copains partis en retraite et leur départ devient très vite difficile à situer. Les jours, les mois et les années filent pour ne laisser que quelques petits regrets et des images désuètes d'un temps passé.